En signe de félicitations à la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, le corps diplomatique à Pyongyang lui a offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations. L'ambassadeur palestinien chef du corps diplomatique les a transmises le 6 courant à Lee Yong-ho, ministre des Affaires étrangères. Précédemment, l'ambassadeur cubain a offert au maréchal Kim Jong-un une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations, alors que l'ambassadeur vietnamien et l'ambassade cambodgienne lui ont offert les corbeilles de fleurs.